Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de Ludologie. Dernier, non, je vous vois déjà en train de paniquer. Rassurez-vous, calmez-vous, c'est juste la fin de la saison 1. Voilà, on va revenir après l'été en pleine forme avec une saison 2 encore plus remplie en invités, en sujets pointus et variés, et puis bien sûr en évocation de Candy Crush. En attendant, on vous propose de terminer cette première saison tranquillement. On va évoquer différents sujets qui ont fait l'actualité du monde du jeu cette année. Un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais on va quand même essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Adrien, bonjour. Bonjour Manuel. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, donc on a fait un mini brainstorm par divers outils que nous offre le numérique pour voilà, nous décider sur des sujets. Moi, j'en ai sélectionné deux. C'était le crowdfunding pour le jeu, parce que c'est quand même donc c'est le financement participatif exactement qui se démocratise. Et cet autre mode, en tout cas moi que j'ai observé dans le jeu vidéo, mais je pense que on peut voir aussi que cette mode se propage aux gens, tout bêtement. Mm-hmm. On voit des figurines apparaître ou réapparaître, notamment dans le jeu de société, ce qui est intéressant. Et toi, qu'as-tu choisi, Manuel, comme thème à aborder ? Eh bien, moi je vais parler de mes deux marottes, le jeu de rôle et le jeu mobile. Je vais commencer par le jeu de rôle et avec notamment à l'occasion de la sortie en France d'Aventure et aux États-Unis de Titan's Grave et Ashes of Valkana. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes vous le saurez. En tout cas, à l'occasion de la sortie de ces deux séries de vidéos, je vais vous parler de ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de jeux de rôle filmés, puisque c'est quelque chose qu'on pensait impossible, ou en tout cas qu'on pensait fondamentalement inintéressant, et qui se développe pourtant depuis quelques mois avec une grande, grande vigueur. Et puis sinon, on va parler un petit peu de modèle économique du jeu mobile. On a eu l'occasion de se renseigner à plusieurs reprises dessus dans l'année, on est tombé sur des chiffres qui nous ont surpris, et notamment on s'est renseigné là-dessus quand on a appris avec très, très grande tristesse l'arrêt du studio Game Oven, qui faisait des choses complètement formidables. Je ne saurais trop vous recommander un jeu comme Bunden par exemple, mais voilà, ils ont dû s'arrêter notamment pour des raisons de modèle économique et de piratage, et on va essayer de mettre un peu des mots sur ce qui se fait en modèle économique, sur pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et pourquoi il y a de plus en plus partout de free-to-play qui font râler tout le monde. Eh bah tiens, je propose qu'on commence, justement, parce qu'on parle de sous. On va peut-être commencer avec le sujet que j'ai choisi, le sujet économique. Avec le crowdfunding. Alors en fait, pourquoi j'ai voulu parler de ça ? Tout simplement parce que donc le 16 juin dernier, donc on est en 2015, si jamais vous écoutez des années après ce podcast, lors de l'E3, Sony a accueilli Yu Suzuki, donc le créateur de Shenmue, sur scène pour annoncer le tant attendu Shenmue 3, donc un jeu d'action aventure. Et en gros, l'annonce qui a été faite, c'était que Shenmue 3 faisait un crowdfunding, parce que voilà, il n'a pas réussi à le financer manifestement. Et du coup, enfin, en tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, ce jeu détient le record du premier jeu vidéo à atteindre le cap du million de dollars le plus rapidement du monde, en 102 minutes exactement. Là, j'ai regardé hier, on est atteint les 3 800 000. C'est quand même assez important, et donc ça pose beaucoup de questions, le crowdfunding. Alors là on parle du jeu vidéo, mais ça s'accorde aussi sur le jeu de société et le jeu de rôle, puisque selon moi ça pose la question du travail de l'éditeur. Je sais pas ce que t'en penses, Manuel. Oula, j'aurais plein de choses à dire sur le sujet. C'est un modèle qui est en train de devenir en tout cas qui l'a été en 2014 et 2015 pour l'instant, quasiment majoritaire en jeu de rôle, en tout cas extrêmement important, et en jeu de société, il me semble bien que ce soit le cas aussi. Ça s'est vu notamment avec pas mal de choses en matière de figurines, mais j'ai vu aussi passer des crowdfunding pour des éditions augmentées de jeux type Tokaido, par exemple, le jeu de Boza, pour faire une version quasi surdimensionnée avec des figurines, avec des machins et tout, qui n'apportait à peu près aucun contenu, mais qui apportait des jetons métalliques plutôt que des jetons en carton, par exemple. Voilà, il y avait très très peu de choses à mener. C'était surtout de la figurine, ce genre de choses, et avec des montants assez importants. En jeu de rôle, de la même façon, que ce soit aux États-Unis ou en francophone, on a vu des choses surprenantes. Initialement, le crowdfunding, on pensait que ça servirait surtout à financer des projets un peu incertains, un peu émergent, un peu innovant, et puis on a vu un certain nombre d'éditeurs qui se sont emparés du sujet, qui ont dit bah moi je vais pouvoir sortir un jeu comme ça, y compris des jeux attendus. Cette année on a eu la 7e édition de l'Appel de Cthulhu, qui est un des jeux emblématiques du jeu de rôle, avec Donjons et Dragons, on va dire que c'est un peu les deux grandes références. On pourrait s'attendre à une sortie boutique traditionnelle, mais non. Une sortie en crowdfunding, c'est une sortie en crowdfunding qui a eu lieu à la place, avec une levée de fonds significative, puisqu'on parle pour un jeu de rôle francophone de 400 000 euros, ce qui est quand même un montant très, très important quand on connaît les trésoreries et les volumes de vente du jeu de rôle. Là, on est au-delà de la moyenne. La raison de l'éditeur, c'est dire nous, on veut faire un truc super beau avec plein d'illustrations. On fait venir des graphistes qui viennent du jeu vidéo pour nous faire des images et compagnie et trucs. Et en plus, ça nous permet de vous offrir encore plus de matériel, puisque comme on a eu beaucoup, beaucoup plus de sous que prévu, puisque généralement les seuils bas sont, enfin les premiers seuils pour valider la fabrication du jeu sont assez bas. Et puis ensuite, c'est la course à ce qu'on appelle le but, c'est d'exploser à chaque fois pour qu'on en parle et que les gens exactement continuent à financer. Bah oui, parce que c'est la course à ce qu'on appelle les stretch goals, c'est-à-dire si on dépasse de tel montant, dans ce cas-là, il y aura ça en plus et ça en plus, qui incite les gens qui ont backé, qui ont financé, à en parler autour d'eux pour inciter les autres à mettre des sous. Parce qu'en gros, si j'ai trois copains qui mettent des sous, bah, y a des chances que tous les trois, on ait des choses en plus que s'il y avait eu que moi. Et ça a des effets à la fois... c'est performant en termes d'édition, mais c'est quand même des effets de bord un peu bizarres, parce que du coup, effectivement, des petits projets plus émergents, plus innovants, en fait, se font bouffer par des grosses... se font bouffer. Je sais pas s'ils se font bouffer, mais le fait est qu'ils ramassent beaucoup moins de sous que des grosses locomotives qui auraient été rentabilisées sur une sortie boutique de toute façon, tu vois. Sauf qu'effectivement, l'éditeur, il a plus avancé un rond. C'est exactement la question que je me suis posée quand j'ai vu cette annonce, puisque donc là, personnellement, j'ai jamais joué à un Shenmue de ma vie. Que quelques articles comme ça que j'ai lus à droite à gauche, mais je sais que c'était extrêmement attendu comme jeu. Et je me dis, quel est l'intérêt pour une grosse boîte comme Sony d'inviter les mecs à dire tiens, on fait un crowdfunding. Et voilà, quel est l'intérêt pour Sony de faire ça, à part se faire de l'image, vendre de la PlayStation, et du coup, alors non seulement il y a ce qu'il y a, là c'est le côté négatif, mais si on prend de l'autre côté, du côté éditeur, du coup l'éditeur il fait quoi si tout le monde peut financer sur Kickstarter? C'est une des complexités. À titre informatif, quand même, en ce moment je crois qu'il y a Orange qui a lancé un crowdfunding, donc c'est plus un problème de... C'est même pas un problème de financement, en fait, parce que pour des grosses grosses boîtes comme ça, je pense pas que l'enjeu soit le pognon qui va être levé. En ce moment, faire un crowdfunding, ça fait innovant. Ça fait jeune, ça fait dans le mouvement. Et je crois qu'il y a, à titre personnel, c'est une interprétation, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal de ça. En ce moment, voilà, faire un crowdfunding, c'est dire vous faites partie de l'aventure dès le début. C'est assez proche, finalement, des early access. C'est ce que j'allais dire, c'est la logique. C'est... Ce que je veux dire, effectivement, c'est que le, donc l'early access, donc c'est l'accès un peu en, en priorité, les premiers accès, donc des versions préparatoires, des versions de travail de produits. Donc ça peut être, on parle de jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes, etc. Mais voilà, c'est pour histoire de resituer pour nos auditeurs. Oui. Mais voilà, et donc c'est marrant parce que l'autre jour, j'écoutais un podcast de nos confrères de la cellule qui faisait la distinction entre l'œuvre et le produit. C'était un débat sans fin et ma foi fort intéressant. Et je vous encourage vraiment d'écouter ce podcast-là. Mais mine de rien, parce que c'était ça qui est intéressant, c'est que du coup, on rappelait le travail de l'éditeur qui est d'accompagner l'auteur dans ce qu'il veut, de lui dire bah non, là, si tu veux le commercialiser à grande échelle, c'est pas faisable. Et du coup. Je commence à me poser la question, est-ce que tous ces Kickstarter, ces machins, ne vont pas nuire aux propos des auteurs ? C'est ça aussi le... Bah ça dépend, je pense, parce qu'il y a pas mal de traductions, mine de rien. Enfin, en tout cas, en jeu de rôle, c'est beaucoup de traductions. Donc le travail d'édition, il a déjà été fait, concrètement. Le travail qu'il y a derrière, c'est une traduction, une vérification de la traduction, un bon glossaire et tout. Il y a un travail d'édition, indéniablement, dans la traduction. Mais l'œuvre, elle est déjà préexistante, il faut juste la transposer dans une autre langue. Alors, je sais bien quand je dis juste, ça a l'air de pas grand-chose, et qu'en fait, c'est pas du tout pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Et au bout du bout, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont dans la partie. Là, en l'occurrence, c'est pas un particulier qui fait une levée de fonds pour la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. C'est pas un particulier qui fait une levée de fonds pour la 5e édition de In nomine Satanis Magna Veritas, qui est un jeu assez connu en France. C'est plus souvent des associations, il y a quelques particuliers, hein, mais c'est souvent des petites structures, soit des éditeurs traditionnels, soit des structures associatives, et ils vont faire un boulot d'édition, alors de façon plus ou moins pro, mais je pense que de toute manière les éditeurs pro eux-mêmes, tous sont pas égaux en termes de qualité de rendu. Et puis il faut bien comprendre que pendant longtemps, le boulot de l'éditeur, c'était aussi de trouver un illustrateur, de vérifier qu'effectivement il y a une cohérence avec le marché. Mais là, la cohérence avec le marché, on s'en fout, puisque une fois que ça a été lancé en crowdfunding, si tu as levé les thunes suffisantes, les fonds suffisants, ton jeu est rentable. Donc, tu n'as plus à te poser la question. C'est tout gagnant. Hein. C'est à la fois, c'est de la vente en même temps que l'étude de marché, en même temps qu'une levée de fonds pour financer la fabrication du jeu. Tout ça en passant pas par des boutiques, donc en le vendant au même prix que si on le vendait en boutique, mais en récupérant beaucoup plus d'argent, puisque en gros, on va donner 15 à 20% à la plateforme de crowdfunding, plutôt que plus les coûts des envois, quand ils sont inclus, ce qui n'est pas systématiquement le cas, mais disons qu'on monte à 30% du prix total du produit, ce qui est significativement inférieur à un 60-70% qui serait passé si on était sorti en boutique. Les seuls qui se font couillonner, si je puis me permettre l'expression, dans cette histoire, c'est effectivement les distributeurs et les boutiques. Et encore, on essaye de trouver des systèmes où les boutiques elles peuvent en prendre plus, à moins cher, pour pouvoir les vendre et quand même faire de la marge dessus. Et a priori, ça arrive à fonctionner correctement pour un certain nombre de crowdfunding. Mais voilà, c'est des modèles qui trouvent un peu leur place. Il y a 3 ans, seuls quelques spécialistes parlaient de crowdfunding. Aujourd'hui, effectivement, on veut sortir Shenmue 3, on dit qu'on va faire un crowdfunding, d'abord parce que ça fera toujours quelques millions de moins à avancer pour l'éditeur, et ensuite parce que c'est dans l'air du temps, en fait, je crois. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin que ça. Hein. Autre point qui m'intéressait avec cette question du financement participatif, c'était au niveau créatif, purement créatif, est-ce que justement ça n'emprisonne pas le créateur ? Je m'explique. Parce que quand on fait un financement participatif, on va dire je fais ça, ça et ça, et si vous me donnez tant, je ferai ça, et si vous me donnez tant, je ferai ça. Et je me souviens très bien en avoir discuté avec Yann Chauvière, alias Cœur de Vandale, qui disait que c'était quand même assez piégeux, parce que du coup, tu es obligé de répondre à une commande. On passe du truc, soi-disant pour financer les indépendants, à un truc de commande. Donc là, je vais reprendre ma référence de la cellule, mais on passe on n'est plus dans l'œuvre là, on est dans le produit. Est-ce que ça ne va pas donc emprisonner le créateur déjà? Est-ce que ça ne va pas décevoir le fan au bout qui ne va plus être surpris de ce qu'il a? Et troisième point pour vraiment les vendeurs, les critiques, les spécialistes, les gens qui veulent être surpris, est-ce que ça ne va pas tuer cette partie un peu recherche et développement qu'il y a dans les projets un peu indépendants? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que si à un moment on décide de se lancer dans un crowdfunding, effectivement, on fait des promesses et on doit se tenir à la hauteur de ces promesses, que ce soit dans le contenu ou dans le contenant. Et le contenant, ça inclut aussi des délais de livraison, par exemple. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le jeu de rôle, notamment sur les délais. Oui, c'est un serpent de mer, les délais de livraison. Mais bon, c'est aussi le cas dans le jeu vidéo, par exemple, à Star City. Je pense que c'est un peu le cas dans tous les formats. On part toujours sur une évaluation un peu optimiste. Enfin, on part assez facilement. Et moins on est pro, plus on part facilement sur une évaluation optimiste. Et puis après on se fait un peu mordre le derrière. Même chez les pros, hein, je pense à un cas avec, je crois que c'est Chris Crawford, non pas Chris Crawford, Tim Schafer, qui donc un développeur assez connu qui avait lancé un jeu et je crois que le jeu n'est toujours pas sorti et ils se demandent même s'ils ne vont pas rembourser les gens. Quoi. Bah oui. Et oui, parce qu'à un moment, effectivement, on fait une promesse, les gens ont donné l'argent en avance, mais on appelle ça du crowdfunding, fondamentalement c'est de la précommande, hein, faut pas non plus se leurrer. Et une fois qu'ils ont fait leur précommande, ils attendent que ça arrive. Et effectivement, il y a quelque chose qui peut être un peu piégeux, si on veut, pour le... Ouais, qui est un peu de l'ordre de la prison, mais pour le créateur. Mais après, c'est le jeu qu'il a décidé de jouer aussi, quoi. Donc, faut être au courant quand on y va qu'effectivement, si on fait des promesses, derrière, faut tenir ses promesses. Mais à la limite, ne pas savoir que quand on fait des promesses à des gens et qu'ils nous donnent de l'argent parce qu'on leur dit qu'on va faire telle ou telle chose, ne pas réaliser que ça nous met dans une position de leur devoir quelque chose, c'est quand même être très, très, très, très naïf, je trouve. Mais voilà, faut bien réaliser quand même que le crowdfunding pour beaucoup c'est de la précommande et ça fonctionne sur plusieurs ressorts. Le premier qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est ces histoires de stretch goal qui incitent à en parler autour de soi. Il y a le côté c'est nouveau, je fais partie de l'aventure dès le début avant même que ce soit prêt, qui est quand même très différent de la sensation qu'on a quand on va acheter sa boîte de jeux dans un magasin. Je sais, je parle un peu à l'ancienne maintenant, on achète des fichiers sur Steam, mais c'est un peu pareil. Et puis il y a un autre petit détail, mais qui joue, je crois, beaucoup dans le passage à l'acte, c'est qu'en fait, quand on participe à un crowdfunding, notre compte bancaire est débité à l'issue de la campagne de financement. Donc on a l'impression d'avoir un contrôle plus grand en disant je m'engage maintenant, mais comme ça finit en 30 jours, c'est dans 30 jours que je paye. En 30 jours, on a un petit peu oublié déjà. Tu penses moi, je n'ai aucune conscience de ça. Moi, j'ai par exemple crowdfundé pour le Stunfest. Mm-hmm. Et tu t'es pas dit absolument pas. Là, ça, je suis un peu ricrac cette fin de mois, mais par contre, je m'en fous parce que ça finit 15 jours plus tard et après c'est bon. Au contraire, j'étais là. Au contraire, en fait, j'avais calculé mon budget du mois, mm-hmm. dire il y a ça dans le budget du mois, alors qu'en fait, c'était le mois d'après. Bah oui. C'était idiot, mais. Oui, mais non, parce que ça demande d'avoir conscience de ce fonctionnement-là, mais pour les gens qui participent régulièrement, ça joue, quoi. Ça joue forcément. J'en suis intimement persuadé. En fait, moi, je pense que c'est parallèle avec n'importe quel achat en ligne, en fait. Je pense qu'instinctivement, c'est pour ça que j'ai cette impression. Je back le truc. Ça y est, j'ai payé. J'ai l'impression d'avoir payé directement, ce qui est apparemment faux. Et du coup, je m'attends à ce qu'il y ait un résultat. Et par exemple, pour le Stunfest, notamment, ça s'est passé quand même bien, bien juste. Faut quand même être réaliste là-dessus. Mm-hmm. Je me suis dit, est-ce que ça va se faire, quoi? Bah oui. Bon. Et puis, la campagne serait pas allée jusqu'au bout. Mais à l'heure actuelle, en jeu de rôle, on a la deuxième édition de la dernière version d'un jeu qui s'appelle Vampire, en l'occurrence Vampire Requiem, donc. Qui est parti avec un niveau de base assez élevé et c'est pas encore fait, Peut-être au moment où le podcast sortira, on sera fixé. Mais en tout cas, au moment où on l'enregistre, c'est pas encore fait. Mais il y a d'assez bonnes chances qu'il se plante sur un jeu qui est en gros la dernière occurrence d'une gamme assez emblématique du jeu de rôle. Vampire, on en a. Il me semble qu'on l'a évoqué la dernière fois, je crois. Ouais, Vampire la Mascarade, ça a été un jeu assez important dans les années 90 en jeu de rôle. Et du coup, années 90, début des années 2000. Et donc là, du coup, c'est la dernière occurrence, sachant que la première version de Requiem n'avait pas super, super bien marché. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est que Vampire pour Vampire, c'est un jeu où on joue des vampires dans l'esprit un peu Anne Rice. Donc, si vous avez vu Entretien avec un vampire, bah, du coup, vous voyez de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, vous n'avez qu'à aller le voir. Parce que c'est un bon film, il est un peu vieilli, mais c'est un bon film. Dans une certaine mesure, on peut faire le lien aussi avec True Blood. Dans une certaine toute petite mesure. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu où on joue des vampires urbains, torturés, gothiques. Enfin, des adolescents, quoi. Et alors, bon, voilà, j'ai l'air de le balayer un peu comme ça, mais ils ont. C'est un jeu qui a été important vraiment à son époque, qui a fait bouger pas mal de choses, et donc en l'occurrence, oui, la dernière occurrence, un truc, on se dirait, on sort en boutique, c'est pas un pari risqué, quoi. Et ils font un crowdfunding, bon, déjà, avec un seuil de validation assez élevé. Même pour du jeu de rôle, les chiffres sont assez importants. Et c'est pas sûr que ça va le faire, quoi. Et je pense que quand ils l'ont lancé, les mecs devaient être assez sûrs que ça allait non seulement le faire, mais qu'en plus ils allaient éclater des stretch goals derrière, ce qui n'a pas été le cas du tout pour l'instant. Donc on verra bien. Parce que souvent, les crowdfunding, ça génère beaucoup d'argent au début, beaucoup d'argent à la fin, mais il y a tout un ventre mou où il faut entretenir. Et moi, j'en vois un certain nombre des gens qui font des crowdfunding. Et on est à deux doigts du spam quand même régulièrement sur le allez, il n'y a plus que 7 jours, il n'y a plus que 2 jours pour participer. Et ça peut finir par devenir un peu agaçant. Parce que quand on a déjà été prévenu 5 fois, avant même que le crowdfunding soit lancé, et qu'en plus on a des infos quasiment tous les jours sur un truc qu'on a décidé de toute manière de ne pas soutenir, c'est un peu énervant. Je suis assez d'accord. Dernier point, et après je pense qu'on pourra prendre un de tes sujets, peut-être, oui. Pourquoi pas. Oui, je les ai bien préparés. Dernier point, en fait c'était quand le crowdfunding a été financé et que bah, au final ce qu'on a pris, eh ben, c'est nul. C'est en fait notamment, je pense à ça, pour le cas de la Ouya. Ouya donc, est une console... Mm-hmm. Voilà, une console un peu pour tous qui tourne sur le système d'exploitation Android, en gros les mêmes que les téléphones de Google. Budget de 1 million de dollars pour en crowdfunding, donc pour un résultat assez décevant. Donc il y a eu des retards, des délais, des frais de douane qui bloquent les commandes. Grand classique. Voilà, enfin. Des micro-consoles qui mettent des mois à parvenir, même après des réceptions à la réception, le contrôleur marche pas bien, enfin plein de problèmes comme ça. Le catalogue de jeux est en deçà de ce qui était promis. Il y a beaucoup de développeurs qui s'étaient engagés à faire des jeux dessus. Bref, ça a été une grosse déception, alors qu'on se disait, bah tiens, ça va relancer un peu le jeu vidéo de salon. Et au final, ça ne l'a pas fait. Et justement, est-ce que le crowdfunding n'est pas un piège pour le consommateur ? Parce qu'au final, c'est quand même lui, au bout, qui est floué. Il a donné sur un thune pour un truc qui ne marche pas. Bah, ça peut, effectivement, si la promesse n'est pas, tenue. Mais je pense que c'est des choses qui vont se régler. Enfin, cela dit... Ça arrive aussi dans d'autres cas, sauf qu'effectivement, crowdfunding, comme on est dans un modèle un peu nouveau, il faut trouver, il n'y a pas encore trop de jurisprudence, mais ça va se mettre en place. Mais ça existe dans d'autres cas où on achète un ordinateur et en fait il est beaucoup moins bien que le vendeur nous avait dit, dans ces cas-là, il y a des systèmes de retour, il y a des systèmes de remboursement et compagnie. Donc je ne sais pas comment ça va se faire, parce qu'à nouveau, il n'y a pas de. Ils sont en train de trouver un peu leurs équilibres là-dedans. Je sais pas. Dans ce cas précis, je sais qu'après, Kickstarter a vachement renforcé son contrôle au niveau hardware. Software, je saurais pas dire, mais je sais qu'après, au niveau de l'hardware, ça a été un gros tri plus hard, quoi. Bah oui, non, mais ça a été un peu la fête pendant un an où du coup, les plateformes de crowdfunding ont dû s'en mettre quand même plein les fouilles, parce que les projets étaient de plus en plus gros, de plus en plus nombreux, et puis tout le monde fait du crowdfunding maintenant. T'entends pas une émission de radio avec des gens en train de faire des trucs. Ils font tous des crowdfunding partout. Tout même le monde. Nous, on aurait pu faire un. Mais nous, on aurait pu faire un crowdfunding. En plus, ça aurait été pour ramasser 200 euros. Donc, ça aurait été un peu le crowdfunding de la misère. Mais du coup, en plus, les plateformes poussent à faire plus gros avec des stretch goals parce que du coup, ça pousse les gens. Et puis derrière, comme elles ramassent 15 à 20%, bah, c'est leur thune aussi, tu vois. Donc, c'est forcément intéressant. Et puis, c'est sûr que quand on n'a pas les sous au début, c'est bien pour se lancer. Et pour des petits indépendants, ça a un certain nombre d'intérêts parce que ça permet de générer la trésorerie parce que on a un proto quasiment fini, mais pour passer à l'échelle un peu plus large, bah, il faut de la trésorerie et les précommandes, c'est de la trésorerie et là-dessus c'est tout à fait judicieux. Mais effectivement, le système se fait un peu avaler par les gros acteurs déjà, et puis ensuite il a du mal à trouver un peu ses marques là-dedans, et puis il y a des gens qui se foirent un petit peu et des gens qui se barrent avec la thune, et ça va, tout ça va se stabiliser, hein, et puis fondamentalement ça va devenir un système comme un autre, voilà. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai souvenir de groupes de musique dans la ville où j'habitais qui faisaient des souscriptions pour pouvoir aller ensuite sortir leur disque, où les gens faisaient des préachats du disque avant même qu'il ait été pressé, parce qu'à l'époque on n'avait pas de graveur, et puis après ils recevaient leur disque et c'était la même chose, sauf que avec internet on peut le faire à beaucoup plus grande échelle et beaucoup plus large, donc on n'est pas obligé de courir à droite à gauche avec une feuille en papier pour demander 10 euros par-ci, 10 euros par-là, mais c'est la même logique. Voilà. Il y a des systèmes de parts, sinon d'investissement réellement, avec retour qui arrivent. Je pense pas que ça arrivera en jeu de rôle. En jeu vidéo, je serais pas étonné qu'il y ait des boîtes qui se montent avec ce genre de choses, si c'est pas déjà fait. Mais ça demande encore de trouver les modèles, et pour le coup, je sais que c'est pas le modèle dominant, c'est pas le modèle qu'ont choisi des boîtes comme Kickstarter ou Ulule, qui sont un peu les deux boîtes qui dominent. My Major Company était un peu dans cet esprit-là. Et puis il y en a d'autres, hein, mais voilà, faut trouver un peu ces marques là-dedans, je pense. Après, il y a je les pense qu'on idiots. Va être amené à en reparler parce que ça a pas fini de bouger, de grenouiller. Voilà, il y a ça, et puis il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses aussi qui vont faire bouger les choses, l'autopublication. Effectivement, le côté vraiment indépendant du coup. Ouais, mais quelque part le crowdfunding n'est pas très éloigné de ça aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui bougent avec le web. Je trouve que c'est plutôt bien, même si tout ce qu'on en fait n'est pas nécessairement enthousiasmant à mon sens. Mais en tout cas, le simple fait que ça bouge, ça prouve que c'est vivant. Effectivement, et aussi je vous incite à voir aussi, on l'a pas évoqué, mais ça aurait été aussi intéressant de l'évoquer. Mmh. C'est le cas de Tipeee qui permet de sorte d'abonnement tous les mois, on donne un petit peu de sous pour financer un projet, et du coup en retour on a les choses. Ce qui du coup Tipeee, Patreon et autres, les modèles économiques du jeu qui émergent, et voilà, on aura moyen de, je pense peut-être l'année prochaine, faire un sujet spécial modèle économique avec un économiste et Yann Chauvière, comme ça ce sera rigolo. Oh là, à la fin ils se battront. Moi je vais vous parler de radicalement autre chose. Radicalement non, c'est pas si radical, on reste un peu sur internet en fait quand même, il faut bien l'admettre. Pendant très longtemps on a pensé qu'on pouvait pas faire du jeu de rôle filmé. On se disait, le jeu de rôle filmé c'est chiant. Alors la seule solution qu'il y avait pour faire du jeu de rôle filmé, c'était de mettre des mecs en costume, de les faire courir, éventuellement de se faire se croiser des scènes où tu vois des types autour d'une table, parce que le jeu de rôle c'est quand même des 4, 5, 6 mecs et filles autour d'une table qui lancent des dés. En soi, pas visuel. Ouais, c'est pas hyper visuel. Et ils se racontent des trucs. Et puis vraiment, à peu près tout le monde disait, c'est pas vraiment possible, on peut pas en tirer grand chose de jeu de rôle sur table parce que ça n'est pas visuel justement. Donc si on alterne éventuellement avec des scènes où les mecs sont en costume, on les voit bouger comme si c'était leur personnage, côté un peu dans un genre un peu jeu de rôle grandeur nature, là ça va devenir plus intéressant. Mais ça demande une logistique de dingue si tu veux commencer à faire des vidéos comme ça, et ça demande un sacré pognon et beaucoup de monde. Alors j'ai une question parce que je ne connais absolument pas ce sujet. Je sais bien que moi, en jeu de rôle, je suis une quiche totale. En saison 2 on fera mieux, je vous promets. Voilà, je vais y travailler. Mais j'ai fait des jeux de rôle grandeur nature quand même, je tiens à le préciser. Et du coup, ces vidéos sont destinées à qui ? Aux joueurs ou à des spectateurs de jeu ? Comme on regarde une partie de poker à la télé. Ça c'est un peu le truc compliqué. Je pense que ça, c'est notamment une des choses qui est en train de bouger, donc je vais y revenir. Mais je pense qu'à la base, c'est des gens qui sont joueurs qui ont envie de faire quelque chose à pas pour eux. En tout cas, si c'est pour des joueurs, c'est pour d'autres joueurs. Donc, il faut que ça reste, que ça ait un intérêt. Et puis, éventuellement, même pour des gens qui connaissent pas, et c'est l'occasion aussi de faire découvrir. Hein, on sait que la vidéo sur Internet, c'est quand même un outil assez puissant à l'heure actuelle. Mais les choses ont changé il y a quelques années. Il y a quelques années, il y a un homme bien inspiré qui a réussi à nous montrer qu'on pouvait filmer une partie de jeu de rôle et que ça pouvait être passionnant. Alors c'est dans un cadre un peu particulier parce que lui, il fait de la fiction. Il s'appelle Dan Harmon. Il a monté une série qui s'appelle Community et il a fait deux épisodes. Il a fait deux épisodes, l'épisode 14 de la saison 2 et l'épisode 10 de la saison 5. Ah ouais, t'as pris des notes quoi. Qui s'appellent respectivement Advanced Dungeons and Dragons et Advanced Dungeons and Dragons, qui sont deux épisodes où il filme une partie de jeu de rôle dans les deux cas et où il n'y a pas de bonhomme en costume. C'est effectivement 4-5 personnes autour d'une table qui se racontent des trucs. Mais il a réussi à gérer avec les mouvements de caméra, avec les bruitages, avec la mise en scène, pour en faire quelque chose d'haletant, de trépidant, et de vraiment, vraiment prenant. Et moi, je crois, alors j'ai pas de source certaine, mais moi, je crois que c'est le moment, la bascule, où des tas de gens, moi compris, se disent « Ouais, on peut filmer du jeu de rôle, on peut en faire quelque chose de vraiment intéressant. » Et ça reste vraiment du jeu de rôle. Le flambeau a été repris depuis par un certain nombre de personnes et cette année, comme je vous disais, sont sorties quasiment coup sur coup deux séries de vidéos. La première s'appelle Aventure, elle est française. La deuxième s'appelle Titan's Graves, The Ashes of Valkana. Et les deux sont assez intéressantes parce que dans les deux cas, on filme du jeu de rôle de façon différente, mais on filme du jeu de rôle et ça fait des vues. Titan's Graves, ça fait entre 100 et 200 000 vues par épisode. Aventure, ça fait entre 200 et 300 000 vues par épisode. Ce qui est tout à fait normal, ouais. Pour du francophone. C'est assez conséquent. Alors, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ces petits trucs. Commençons par Aventure, puisque nous sommes en France. Et puis après tout, c'est pour partie fabriqué pas si loin que ça de chez nous. Il faut savoir qu'on est installé à Rennes. Puisque c'est un monsieur bien connu d'un certain nombre d'internautes qui s'intéressent au jeu, qui s'appelle le joueur du grenier, qui a dit à un moment, c'est bien gentil de faire du jeu vidéo, mais moi, j'aime bien aussi le jeu de rôle sur table. Et il s'est mis à la colle avec plusieurs de ses copains. Alors, je crois qu'il y en a plusieurs qui apparaissent déjà dans ses vidéos à lui. Et dont un bonhomme qui s'appelle Bob Lennon, qui n'est pas exactement non plus un inconnu. Ils se sont trouvés un meneur, et puis ils ont commencé à faire du jeu de rôle, mais du jeu de rôle assez traditionnel. Alors presque traditionnel, puisqu'ils jouent sur une table numérique, enfin via table numérique. Ils utilisent un outil qui s'appelle Roll20, Roll20 en chiffres, qui est en gros un système où on peut voir les autres joueurs via webcam, et puis il y a une gestion de sur l'écran en fait de déplacement des personnages comme des jetons en fait qu'on peut déplacer quand on veut afficher des cartes, on peut afficher des documents, on peut lancer des musiques, enfin voilà, c'est une interface. Au lieu d'avoir un plateau avec des cartes, de façon numérique, mais voilà, c'est une interface parce qu'ils sont pas tous au même endroit, ils sont pas tous, voilà. Et du coup ça leur facilite la logistique, et pour le coup avec un travail de mise en scène, d'habillage de l'écran, mais sans mec en costume et sans scène intermédiaire où on voit les types déguisés en train de courir dans la nature. C'est vraiment du jeu de rôle avec 4 mecs qui sont en train de, enfin 5 mecs en l'occurrence, qui sont en train de se parler et de se raconter des aventures ensemble, et ça marche et ça fait des vues et ça a fait découvrir à plein de gens le jeu de rôle. Et pour avoir suivi un peu les échos sur des forums spécialisés, je sais qu'en convention du coup on a vu des nouveaux joueurs débarquer disant hey, vous faites comme joueur du grenier, c'est super cool, j'ai envie d'essayer, et ça bouge des choses et ça marche. Donc voilà pour le premier, Aventure. Ils en sont à 15 épisodes, je crois. Ils ont un rythme de production assez important. Sachant qu'ils découpent en séquences assez courtes, en séquences de, je crois que c'est 20-30 minutes. Une partie de jeu de rôle, souvent, ça dure plusieurs heures. Donc il y a quand même un travail de montage, de mise en scène. C'est pas juste filmer une partie et puis démerdez-vous. C'est vraiment quelque chose de mise en scène. Surtout s'ils explicitent en jouant leur personnage, en se déguisant, etc. Ils se déguisent pas, justement, ils jouent leur personnage. C'est vraiment juste la personne là, d'accord. Ouais, c'est vraiment du jeu de rôle traditionnel sur table. Et dans le même ordre, on a aux États-Unis quelqu'un qui était déjà assez familier du jeu en vidéo, puisque le bonhomme s'appelle Will Wheaton. Will Wheaton, si vous êtes un amateur de séries dans l'espace, vous le connaissez peut-être parce qu'il jouait Wesley dans Star Trek New Generation. Si vous êtes un amateur de geekerie en série à rallonge, vous l'avez probablement vu jouer son propre rôle dans The Big Bang Theory. Et puis surtout depuis quelques années déjà, il intervient sur Geek & Sundry, une chaîne de vidéos sur le web avec plein d'émissions différentes. Il a monté une première émission qui s'appelle Tabletop, que je ne saurais trop vous recommander si vous êtes anglophone. Si vous êtes francophone, vous allez bien galérer. Et Tabletop, ce sont des parties de jeux de société, avec un certain nombre d'invités. Alors il est assez bien connecté dans le monde du showbiz un peu geek aux États-Unis, donc il a des gens comme Nathan Fillion, que vous connaissez peut-être par Castle. Enfin, Castle, la série, puisque c'est lui qui joue Castle. Il avait joué avant dans la série Firefly de Joss Whedon. C'est un grand pote à Joss Whedon. Enfin voilà, il y en a plein comme ça qui viennent, qui sont des gens pas des inconnus repérés par l'univers geek. Voilà, c'est ça. Donc des gens qu'on retrouve, et donc il leur faisait essayer des jeux de société, et puis en même temps il expliquait comment fonctionnait le jeu de société de façon très très pédagogique. Il a un bon sens pédagogique avec un bon travail de mise en scène, et du coup c'était drôle. Intéressant à regarder, ça permettait de découvrir des jeux. Et dans les jeux qu'il a fait découvrir, on a commencé à voir des choses comme Fiasco. Et Fiasco, c'est alors il y a des gens qui disent que c'est pas des jeux de rôle, mais c'est quand même un peu des jeux de rôle, et c'est un jeu de rôle de Jason Morningstar, un peu expérimental, qui se rapproche du jeu de société sur plein de mécaniques, mais en tout cas il y a fait jouer, et c'est une vidéo qui a bien marché. Et puis il en a fait une autre plus récemment avec un jeu qui s'appelle Dread, qui est un jeu dont le système de résolution est une tour de alors on n'a pas le droit de le dire, mais on va le dire quand même parce qu'on s'en fout, une tour de Jenga. Voilà, on est oubliez que je dis Jenga deux fois, et pensez une tour de petits bouts en bois empilés les uns sur les autres qui font enlever, et en gros quand la tour s'écroule il arrive des choses très graves au personnage. Voilà, et ça aussi ça a très très bien marché au niveau des vues, et à mon avis il devait caresser le projet depuis un peu avant, mais ça lui a permis d'avancer et de formaliser Titan's Graves et Ashes of Volcana, qui est une partie de jeu de rôle, enfin une série de parties de jeu de rôle où il a 4 joueurs, 2 joueurs et 2 joueuses, et ça c'est bien. Et il a bossé avec tout un tas de scénaristes qui l'ont concocté un univers, des graphistes qui ont fait pas mal de dessins, et il y a un vrai travail pareil de mise en scène, de mise en son, avec des effets mis sur les voix ponctuellement quand il incarne tel ou tel personnage dans telle ou telle situation. Typiquement quelqu'un qui crie à la ronde dans une grande pièce, dans une église, il met des réverbérations dessus, et du coup on retrouve très exactement ce travail de mise en scène qu'on avait dans Advanced Dungeons & Dragons, l'épisode 14 de la saison 2 de Community, et ça marche, et on a envie de savoir la suite, et c'est vraiment juste une partie de jeu de rôle. C'est à nouveau 4 personnes sur une table en train de lancer des dés, de temps en temps c'est coupé par des illustrations, c'est très léger. Question que j'ai envie de poser, est-ce que l'image est si nécessaire que ça? Pas tant que ça, cela dit, ils s'en servent. Ils s'en servent à plein de points de vue. Ils s'en servent, par exemple, pour afficher les résultats des jets de dés des joueurs. Ils s'en servent pour donner un accompagnement visuel ponctuel, des illustrations de personnages, de personnages non-joueurs, de lieux, ce genre de choses. Mais c'est pas follement nécessaire, et je vais y revenir aussi. Mais en tout cas, ça permet une diffusion via YouTube. Ouais. Et ça, je pense que ça joue. Twitch ou pas? Non, pas donc Twitch. Pour rappel, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Twitch, oui. Twitch est une plateforme de streaming, donc oui, de vidéos, consacrée entièrement au jeu. Mais en l'occurrence, non, YouTube. En l'occurrence, YouTube, comme à peu près toutes les vidéos de Geek & Sundry d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment du YouTube. Twitch est quand même bien dimensionné pour envoyer l'image d'un écran, plus que pour envoyer des images de caméra, surtout quand c'est une grosse régie. C'est faisable, hein, mais en l'occurrence, là, eux, c'est sur du YouTube. Et c'est un truc tout monté avant, c'est pas du direct, quoi. C'est tout monté en amont, et puis une fois que c'est prêt, on l'envoie. Ils en sortent un par semaine, ils en sont à 4 épisodes. Autre question que je me pose, c'est est-ce qu'ils s'amusent? Parce que ça a l'air très travaillé, très écrit. Ils ont l'air de s'éclater comme des petits fous. En tout cas, il a l'avantage en plus d'avoir des acteurs qui vivent vraiment le truc à fond, qui du coup jouent leur personnage, et il y a un certain nombre dedans, je crois, d'acteurs de doublage, donc en plus des gens qui sont très à l'aise avec l'idée de jouer un personnage juste par la voix, et ça c'est vraiment vraiment cohérent. Donc là on est plus dans le roleplay, mais du coup ils sont à l'aise avec cette distanciation de pas avoir à gérer la gestuelle, être vraiment dans l'incarnation verbale, quoi. Donc oui, du roleplay, mais du coup, non, ça doit être, enfin, c'est des gens qui ont déjà fait du jeu de rôle, j'imagine. Je suis même pas sûr que tous aient déjà fait du jeu de rôle avant, mais en tout cas, ça fonctionne. Pareil, je vous le recommande si vous êtes anglophone, à nouveau, hein, ce n'est pas en français, mais c'est vraiment bien foutu. Et puis globalement, après, sur Internet, on trouve de plus en plus de ce qu'on appelle des actual play, donc des gens qui ont fait une partie, qui sont enregistrés, qui n'ont pas trop fait de mise en scène pour le coup, mais qu'on peut voir. Ça sert des usages un peu nouveaux. Par exemple, John Harper, un créateur de jeu qui a kickstarté il y a quelques mois un jeu qui s'appelle Blades in the Dark, pour faire découvrir aux gens Blades in the Dark, alors même qu'il le kickstartait, comme il avait déjà, lui, écrit une bonne partie des règles, eh bien, il avait joué via Google Hangouts, qui est une des solutions de téléréunion de Google, enfin la solution de téléréunion de Google, et où on peut enregistrer. Donc il avait enregistré les parties qu'il avait fait avec d'autres personnes, et il a mis ses parties à disposition des gens qui voulaient découvrir comment se passe le jeu en jeu. Donc là, il y a un fonctionnement de démo qui est assez proche de ce qu'on peut trouver sur certaines chaînes de Twitch, par exemple. De faire des démos de jeux, là, pareil, on a vraiment un effet démo découverte. Et pour ça, Google Hangout, maintenant, a rendu les choses vraiment, vraiment faciles, parce qu'il y a un bouton record, et puis c'est tout. Après, la partie, on peut la faire avec des gens à distance très, très loin, sans difficulté. On a des interfaces pour pouvoir simuler les lancers de dés et ce genre de choses. C'est vrai que le dispositif de Will Wheaton, lui, c'est 4 personnes réellement autour d'une table, physiquement, enfin 5 personnes physiquement réunies, présentes, avec des dés en plastoc et tout. Et c'est, bah, c'est vachement plus de logistique, parce que bah, y a du décor, il y a des moyens, du coup, derrière. Il y a les gens, bah, y a un peu plus de moyens. Mais voilà, c'est les États-Unis. Mais c'est vrai, il y a toujours un côté un peu. Enfin, c'est dommage à dire, mais c'est comme ça, quoi. Et des fois, on a un peu l'impression qu'ils se donnent les moyens. Mais ça marche bien. Cela dit, via Google Hangout, ça marche pas mal. Et puis, il y a des gens qui vont juste poser un enregistreur comme celui qu'on utilise, nous, pour nos podcasts, au milieu de la table pendant leur partie. Ils enregistrent les parties et ils les diffusent sur le web. Voilà, il y a des campagnes entières de jeux de rôle qui sont diffusées comme ça. Déjà, je me demande qui sont les tarés qui écoutent entièrement nos podcasts. Si vous le faites, mettez un commentaire pour nous dire pourquoi, expliquez-nous. Mais alors, une partie de jeu de rôle entièrement, et puis des campagnes, c'est 5, 10, 15 parties, quoi. Donc une quinzaine d'heures. Non, qu'on multiplie par 5. D'accord. Oh, putain. Je pense par entre 3 et 5. Mais je pense qu'il y a des métiers où on peut écouter de la radio tout au long, et à la limite, c'est de la fiction, pas comme n'importe quelle autre fiction, mais c'est une forme de fiction. Je ne sais pas quels sont les chiffres en termes de consultation, mais en tout cas, ça se pratique de plus en plus, ce qui prouve qu'il y a vraiment une pratique qui se développe là-dessus. Et puis, quand je vois les vues, effectivement, des versions vidéo, je me dis que ouais, il y a de la consultation, ça intéresse des gens. Si ça peut faire découvrir le jeu de rôle, moi, j'en serais le premier ravi. Et puis ouais, ça, j'aime toujours quand on arrive à un stade où on voit quelque chose dont on a dit pendant des années « Non mais ça, c'est pas possible », et puis il y a des gens qui le font. Et c'est vraiment cette phrase de « Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Bah là, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, et puis ça marche. Et c'est assez réjouissant comme perspective, je trouve. Mon analyse avec ça, et puis c'est marrant que le point de départ soit la série Community, parce que on a déjà eu ce débat hors micro. Si on veut une vraie série qui a compris, qui a cerné, qui s'est saisie de la pop culture, ce n'est pas Big Bang Theory, c'est Community. Donc il y a du jeu de rôle, il y a des tonnes de références. Il y a du jeu de rôle dans The Big Bang Theory aussi. Hein. Il y a un épisode qui est entièrement centré autour du jeu de rôle. Mais parce qu'ils ont compris, ils sont tout pour sur Community. Enfin, faut arrêter de déconner. Par exemple, il y a cet épisode assez génial dans Community où il joue un scénario au dé. Mmh. Je sais plus, une histoire de pizza ou je sais pas quoi, et donc il se passe plein de trucs. Oui. Donc Community met ça au cœur de ces épisodes, les éléments de pop culture au cœur de ces épisodes. Community, c'est un Friends dans le pays des geeks. On s'était dit ça en micro, et c'est hyper intéressant de voir une génération, notre génération, faut pas non plus, voilà, faut être assez réaliste, qui commence à prendre le pouvoir et sans doute à des postes stratégiques pour faire que ce type de projet existe. Ouais, ça, c'est des petits projets, tu sais. Enfin, en fait, il y a des moyens. Community, quand même. Non, je parlais pas de Community, je parlais des histoires de vidéos, là, de vidéos de jeux de rôle. C'est des projets qui, mine de rien, peuvent tourner avec assez peu d'argent. Et c'est la force de support web. J'ai l'impression que je vais enfoncer vraiment des portes ouvertes là. Mais ouais, avec peu de moyens et des bonnes idées, on arrive à faire des choses qui marchent, quoi. Et que ce soit les humoristes YouTube ou des gens qui font des vidéos de jeux de rôle et qui font des vues, c'est la même chose fondamentalement. Effectivement, on peut, avec très peu de moyens, produire des contenus et trouver un public. Ça, c'est vachement bien. Voilà, et Community, c'est fini. Ouais, mais bon, il va y avoir un film, non ? Oui, normalement, bah, Six Seasons and a Movie, donc normalement, effectivement, il devrait y avoir un film. Donc bon, on n'est pas foutus. Exactement. Hop, j'en fais perdre mon téléphone qui contient mes notes. Autre point, moi, que je voulais aborder pour ce dernier épisode de la première saison de Ludologie. Si tout à l'heure j'ai parlé de crowdfunding, j'oubliais d'évoquer le jeu Conan, qui a été crowdfundé, qui est un jeu de plateau avec des figurines. Et justement, ça tombe bien parce que je vous parlais des figurines dans les jeux. J'ai l'impression que la figurine devient l'extension du domaine du jeu, pour paraphraser je ne sais plus quel auteur français. Et en fait, parce que tout simplement, moi, dans la sphère vidéoludique, j'ai constaté que mon petit cousin, par exemple, avait des Skylanders, avait des Amiibo pour Nintendo. En gros, des petites figurines qui viennent apporter du contenu supplémentaire au numérique. Alors, je comprenais absolument pas l'intérêt, parce que je me dis, quoi, il achète un truc matériel pour avoir du contenu immatériel. Quel est le modèle économique du truc ? Et finalement, j'ai très bien compris. Parce que bon, mon petit cousin avait l'air quand même assez obsédé par ça. Effectivement, c'est un peu les Pokémon, mais en réel. Et tu dois les avoir tous pour débloquer tous les trucs comme ça. Et là encore, on se dit, je sais pas, l'économie doit me troubler en ce moment. Parce que je me dis, est-ce que c'est pas une pompe à fric encore qu'on essaie de nous trouver et qui n'apporte pas grand-chose au moulin du jeu ? Il y a de ça, une figurine, ça peut pas se pirater. C'est à peu près, je crois, aussi simple que ça. Quand je pense à Skylander ou à ces équivalents-là, la figurine, tu l'as ou tu l'as pas. Mais tu peux pas trouver un programme qui fait qu'après, tu as la figurine, à moins de la voler. Alors, oui et non. Alors, effectivement, j'ai pas connaissance pour les Skylanders. Tu peux avoir les personnages virtuels, mais tu peux pas avoir la figurine elle-même, quoi. Effectivement, tu l'as pas. Mais par exemple, là, ce qui est arrivé récemment, alors, c'est pas une figurine. Ou alors, tu peux jouer avec, mais autrement. C'est avec les canettes de Red Bull. En fait, il y a eu le jeu Destiny qui est un jeu massivement multijoueur, un jeu de shoot dans l'espace, qui a fait un partenariat avec la marque de boissons énergisantes Red Bull. Et en gros, tu avais ta canette où il y avait un code et tu avais des contenus supplémentaires dans le jeu. Mmh. Et seulement, c'était quand même très. Enfin, la génération des codes était très très mal faite, si bien qu'on trouvait des générateurs très facilement sur internet. Oui. Et il y a des gens qui se retrouvaient avec des canettes où les codes étaient déjà rentrés. Et ça... Mais alors, si j'ai bien compris, Skylander, c'est pas juste une histoire de code. Tu poses la figurine sur un support ou un truc. Moi, j'ai jamais trop joué à Skylander en même temps, donc je parle dans le vide. Pour les Amiibo, je sais que tu poses parce que, effectivement, oui, faut poser la figurine, donc il faut qu'elle se présente physiquement. Mais Skylander, pas forcément. Ah, si, parce que vu qu'il y a PlayStation 3. Y a pas à moins de poser sur sa console, et encore je pense pas que la console ait de détecteur. C'est vraiment juste acheter des figurines. D'accord. Et passer à la banque et après vous pouvez mettre dans... Oui, enfin cela dit, la collection de figurines, comme la collection il y a eu quoi avant, il y a eu allez, je vais prendre des super références de vieux, il y a eu les Pog, il y a eu les Monsters, il y a eu les Crado, enfin le principe d'être gamin et de collectionner un objet physique me paraît pas choquant plus que ça. Il a quel âge ton petit cousin? Il a d'avoir 10 ans. Bah voilà. En fait, non, ce qui me... Il y a les billes aussi. Il y a les billes. Oui, alors, mais justement, les Pogs ou les billes, c'est un jouet en soi. Là, ce qui m'inquiète, après peut-être parce que je fais mon vieux con qui est jeune. Ouais, là, c'est ça. Ce qui en tout cas m'interroge, c'est du pur matérialisme. C'est un jouet en soi aussi. C'est un jouet qui n'est pas jeu. Je me permettrais de te rappeler quand même que les POG, c'est des ronds en carton. Hein, oui, mais qui se retournent. On développe des jeux avec parce qu'on les a et qu'à un moment, il faut bien en faire quelque chose. Mais voilà, c'est juste ça. C'est le fait d'avoir la figurine, ça donne accès au personnage dans le jeu. Donc c'est quasiment c'est à la fois un objet de collection, et on ne fera pas croire que des gens qui sont un peu geeks vont avoir des problèmes avec les figurines. Ça serait quand même très étrange. Ben moi aussi. C'est vrai ? Oui. C'est vrai. Tu n'aurais pas, par exemple, je vais te prendre un simple exemple, hein. Est-ce que tu n'aurais pas chez toi, c'est pas tout à fait des figurines, mais des quasi-figurines de Superman Boy et du personnage principal de Fez? C'est personnel déjà. Oui, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, une Funko Pop, ces espèces de petites poupées plastiques qui se commercialisent pas mal, justement, de figurines avec des grosses têtes un peu carrées. Ah, oui, d'accord. Une Funko Pop du personnage de Fez, par exemple, ça ne te gênerait pas nécessairement d'en avoir une chez toi. La collection d'objets, voilà, si plutôt que ce soit juste un objet inerte et globalement des figurines plastiques de personnages Pixar ou de personnages Marvel ou de Pokémon, ça se commercialisait déjà avant, sauf que là en plus on dit bah effectivement quand t'achètes la figurine du coup t'as le personnage en contenu dans le jeu. Voilà, c'est accepter l'idée qu'il y a, effectivement le contenu matériel, le contenu immatériel, et qu'on peut packager les deux ensemble. Je trouve pas ça plus choquant que ça. Oui, c'est une pompe à fric, mais globalement, l'industrie du jouet et l'industrie du jeu, notamment sur les choses assez grand public, et notamment sur les consoles, bon, ça a toujours été un peu ça quand même, non ? Effectivement, pour Nintendo, ça me paraît pas délirant, parce que tout à la base, c'est une boîte qui faisait des jeux de cartes, si je dis pas de bêtises. Très possible. Après, enfin, Nintendo est une des plus vieilles boîtes de jeux existantes, il me semble. Enfin, c'est vraiment un truc très, très oui, ancien. Et puis, la présence du physique, enfin, les problématiques physiques dans leurs jeux, genre, que ce soit l'histoire de manettes et compagnie. C'est ça, voilà. Enfin, sur Nintendo, ça me choque pas des masses, mais voilà, c'est sur d'autres systèmes. Enfin, après, je n'ai rien contre les Skylanders, j'ai jamais joué, et voilà. Mais c'est juste, ça me pose la question de... l'autre fois, on parlait d'enfants qui jouaient avec des cailloux, et si quelqu'un marche, ils viennent briser le cercle. En gros, l'objet ne devient plus jeu, quoi. Effectivement, ça me pose question. Est-ce qu'on permet aux joueurs d'avoir encore des jeux jouets, ou si oui, comment? Est-ce que ça a un réel intérêt pour le gameplay? Est-ce que les personnages qu'on a grâce à ces objets sont vraiment apportent un vrai plus? Ouais, ça, faudrait essayer pour voir. Je t'avoue que je serais bien en peine de te le dire. Parce qu'en fait, la vraie question que je me pose, c'est par rapport aux extensions, par rapport aux DLC. Là, c'est effectivement, j'ai pris le cas de la figurine, mais c'est peut-être pas le bon. Ça pose le cas de l'extension du jeu de cartes, du jeu de société, etc. Est-ce vraiment utile, et ne peut-on pas avoir un jeu complet d'un coup, histoire de profiter à armes égales du même jeu et de pouvoir en jouir ensemble? Tu veux qu'on passe directement au quatrième sujet, c'est ça? Allons-y, soyons fous. Allons-y, soyons fous. Parce que justement, ces histoires de jeux pas entiers quand on achète le jeu, c'est une des problématiques qui se pose sur mobile. On a appris un peu plus tôt dans l'année que, comme on le disait en début d'émission, Game Oven fermait ses portes. Rappelons Game Oven peut-être. Game Oven, c'est le petit éditeur de jeux qui a fait des jeux comme Bunden, comme Fingal. Des jeux avec des game design justement plutôt innovants, plutôt malins, avec l'idée de faire se connecter les gens, enfin des choses vraiment vraiment chouettes. Et puis Game Oven, bah c'était une boîte avec deux co-créateurs, un salarié, donc un petit truc quoi. Si je dis pas de bêtises, ils étaient installés au Danemark, en tout cas ils étaient installés dans le nord de l'Europe. Puis oui, ils ont arrêté parce que ils gagnaient pas assez d'argent. Alors leurs jeux étaient des jeux sans achat dans l'application, des jeux complets, donc on achetait d'un coup et puis qu'on avait. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient un pourcentage de piratage extrêmement important sur leurs jeux. Alors même que c'était sur iOS, c'est ça? iOS et Android. D'accord. Alors sur Android encore plus important que sur iOS, mais dans les deux cas très majoritaire. très très très majoritaire, ce qui fait que du coup bah, ils n'ont pas vendu tant que ça de jeux, et puis bah, ça n'a pas rapporté suffisamment d'argent et ils ont dû mettre la clé sous la porte. Ça m'a poussé à m'intéresser au modèle économique du jeu sur mobile, à voir un peu comment c'est foutu tout ça et qu'est-ce qui y tient. J'avais commencé à m'intéresser à la question quand toi, Adrien, tu m'avais parlé de l'article qu'avaient fait les créateurs du jeu Monument Valley sur leur volume de vente et sur leur volume de piratage, qui était grosso modo un peu la même chose, c'est-à-dire que 90% des parties jouées, des jeux téléchargés n'étaient pas payés, installés sur Android étaient de façon illégale, et 60% des jeux sur iOS, ce qui est quand même très très très important. Je crois que pour Monument Valley, il me semblait que j'avais regardé après et ce n'était pas payé. Oui. Ce qui est un petit peu différent, mais dans tous les cas, l'éditeur n'a pas d'euros dans sa poche. Mmh. Quoi. Donc voilà. Et Monument Valley est pourtant un jeu qui a assez bien marché quand même. Mais effectivement, les pourcentages sont un peu fous. Alors, on va commencer par faire un petit tour des différents modèles économiques que j'ai pu recenser. Il y en a probablement d'autres, mais je pense qu'avec cela, on est pas mal. On a le gratuit. Tout bête. Qui existe assez rarement, mais qui existe, hein, des jeux qui sont juste gratuits. Ça existait surtout au début, maintenant il y en a quand même beaucoup moins, mais ça existe. On a du gratuit avec publicité, et du coup c'est la publicité qui va rémunérer le jeu. Ça, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement. On a du sponsorisé, qui est un peu la même chose. Sponsorisé, on en trouve notamment sur des jeux qui ont à voir, moi j'ai vu des exemples sur des jeux qui avaient à voir avec par exemple du patrimoine dans un territoire ou le produit d'autre chose en fait. Ouais, sorte de cadeaux supplémentaires. Voilà, ou même pour le coup, je parlais du patrimoine dans un territoire ou par exemple un département va payer un studio pour faire un jeu sur les richesses secrètes du département à découvrir pour les touristes, ce genre de choses. Là, on est vraiment dans le cadre du sponsorisé, du coup, il n'y a pas besoin de faire payer le jeu, puisque le but du jeu, c'est de faire venir des touristes et d'occuper ces fameux touristes. Donc voilà pour le sponsorisé. Et puis, qui est quand même une niche. Hein. Et puis du jeu payant. Du jeu payant où on paye et on joue. Et puis surtout... T'as oublié un truc? Non. La shine-up? Voilà. Ah. Et puis, il y a les jeux avec des achats intégrés, des achats in-app dans l'application, comme on dit, qui eux-mêmes se subdivisent, hein, mais qui sont devenus un modèle assez dominant, en fait, en jeu mobile ces dernières années. Ces deux, trois dernières années. Et dans les achats intégrés, on a trois types d'achats, fondamentalement. On a le premier qui sont des crédits tout simplement, c'est le modèle du jeu type le Dungeon Keeper par exemple mobile de Electronic Arts où on achetait du temps d'attente en moins, enfin, on achète des gemmes qui permettent de ralentir le temps d'attente ou ce genre de choses. On peut acheter des contenus. Ça peut être, et là on est vraiment dans le cadre du DLC, donc des personnages supplémentaires. C'est le cas d'un jeu comme par exemple Kingdom Rush et ses suites où le jeu est à acheter en soi, mais à l'intérieur on peut acheter des personnages héroïques supplémentaires en plus de ceux qui sont fournis gratuitement avec des capacités différentes, plus ou moins puissants, qui ne sont pas nécessaires pour jouer au jeu. C'est juste du plus, comme des tenues supplémentaires pour un personnage ou ce genre de choses. Et enfin, on peut acheter, ce qui arrive ponctuellement mais qu'on peut trouver, la version complète ou la version sans publicité, ce qui est un modèle économique qu'on commence à appeler le « free to try ». C'est gratuit d'essayer, mais si on veut vraiment jouer dans la durée, ben on paye. Et qui, j'y reviendrai, est un, à mon sens, probablement le plus intelligent de tous et le plus respectueux des utilisateurs et des créateurs. En fait, cette histoire de piratage, elle est un peu traître. Parce que 80%, grosso modo, alors moi j'ai des chiffres qui sont plutôt sur iPhone, 80%, grosso modo, des jeux sont piratés. On est d'accord ? Okay. Pour pirater un jeu, il faut avoir un téléphone qui soit jailbreaké. Donc, c'est-à-dire, pour expliquer... Qu'il soit lui-même, qu'on ait piraté pour pouvoir installer ce qu'on veut dessus. D'accord, qu'on ait accès vraiment au noyau du téléphone, pour schématiser ouais. à nos auditeurs. Ouais. En gros, des études qui ont été faites, sur les iPhones en tout cas, on sait qu'il y a moins de 5% de téléphones jailbreakés aux États-Unis, et dans les pays européens globalement, et que dans les zones plus pauvres, on va monter à tout casser 20%, mais ça fait une moyenne, disons en comptant large, de 10% de téléphones jailbreakés. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme. 10% de téléphones jailbreakés, 80% de jeux. Alors c'est très surprenant parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que ça veut dire qu'il y a que sur les téléphones jailbreakés ou presque qu'on installe des jeux en fait à ce rythme-là. Et c'est presque ça. Si on va chercher un peu plus loin dans la granularité, on découvre que les gens qui piratent, ils récupèrent plein de jeux chaque semaine, ils les essayent, ils les balancent, de toute manière ils payent rien et voilà, c'est juste, ils jouent très peu avec, mais du coup ils ont des volumes importants de consommation, en tout cas de téléchargement. Et puis de l'autre côté, les joueurs Lego achètent en moyenne 3 jeux par an, mais ils y jouent beaucoup plus de temps. Ce qui veut dire que fondamentalement, si on pouvait empêcher les gens de pirater, on aurait 10% de vente en plus, pas 80% de vente en plus. Parce que les gens, ils se comporteraient comme les autres, ils achèteraient 3 jeux par an en moyenne, et en fait on passe à côté de 10, peut-être 20% de vente, mais pas du tout 80, en fait. Il y a beaucoup moins raison de s'alarmer que ce qu'on pourrait croire. Cela dit, effectivement, ça demande une certaine analyse des chiffres et de comprendre que les comportements sont pas les mêmes chez les gens qui téléchargent et chez les gens qui payent. Ça, oui, mais enfin oui, ça j'ai envie de dire c'est un peu comme le service public. C'est un peu comme en France, ouais. on dit enfin voilà que tel service que Pôle Emploi par exemple sont nuls, etc. Parce qu'on les paye pas, parce que c'est pas nous qui ouais. sortons directement machin. Et au final bah. Et je sais pas si on peut réellement. Le cas Pôle Emploi est peut-être pas le bon. Hein, c'est surtout vu les chiffres qui sont sortis. Travail en ce moment, c'est ça. C'est ça. C'est d'ailleurs si vous cherchez un journaliste, je 06 84. Bref, mais non, effectivement, c'est par rapport à l'idée de service public. C'est que, en fait, quand on a quelque chose gratuitement, on n'y met pas de valeur, tout simplement. Et je trouve que, moi, je trouve personnellement que dans le service public, ça se retrouve assez facilement. Ouais, mais là, je sais. Mais pas ça se retrouve aussi dans la musique, par exemple. Oui, oui, oui. C'est qu'on a tout, on a tous eu ce cas d'une personne qu'on connaît qui a 20 gigas, 30 gigas, 40 genre, plus de musique, oui, et, plus. Qui en écoute même pas un. Même oui, pas qui un écoute giga. À peu près toujours les mêmes choses. Voilà. Voire, c'est le pari des plateformes de location, d'abonnement. Ou de streaming. Ouais, de streaming. Ouais. Tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est des chiffres, je trouve que ça vaut le coup de s'y approcher. Alors du coup, ça m'incite à penser que Game of Thrones se serait pété la gueule de toute façon, même sans piratage, ce qui ne me réjouit pas, mais parce que je pense que d'autres suivront. Mais voilà. Et j'ai une question par rapport au chiffre, peut-être que tu as la réponse. Parce que je sais qu'en tout cas sur la culture en général, on sait que les gens qui piratent sont globalement plutôt consommateurs de culture. Ils ont tendance à payer plus, à dépenser plus de leur argent dans la culture que d'autres. Est-ce que ça se retrouve pour ça, pour les jeux? En jeu? Moi, j'ai pas l'impression qu'en jeu ça se retrouve. On va faire une petite pause. And we're back. Voilà, on est de retour. Donc, je ne pense pas non que les que dans la culture, enfin que qu'on ait le même comportement en jeu que dans la culture. Enfin, j'ai pas l'impression. Mais après, là, je commence à rentrer dans des considérations personnelles sur lesquelles j'ai pas de chiffres pour m'appuyer. Donc ce sera quand même moins parlant. Mais je crois qu'il y a une culture du piratage sur les jeux qui fait que je sais pas si c'est les gens qui piratent le plus de jeux qui jouent au plus de jeux, ne serait-ce que pour des questions de timing. C'est-à-dire qu'un jeu, ça prend plus de temps à finir ou à jouer. Qu'un CD à être écouté ou qu'un film à être vu, et je pense que ça peut jouer aussi, mais qu'effectivement on doit retrouver des mêmes comportements, c'est-à-dire beaucoup de téléchargements et on essaye plein de jeux sans vraiment les finir, et puis à côté de ça des gens qui en achètent moins mais qui vont y jouer très longtemps et très durablement. Ça me paraît pas très étonnant. Oui, parce qu'effectivement, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut pirater plein de jeux et en jouer à qu'un seul, ou alors et même enfin je sais pour avoir connu des situations comme ça chez des proches, des gens qui essaient des jeux qui se disent ah vraiment bien, bon allez je vais l'acheter. Oui, ça arrive, il y a ça aussi, hein. Ça arrive tout à fait, et c'est pas c'est un modèle, c'est pas un modèle que je trouve gênant. D'où justement cette histoire de free to try. J'essaie de faire mon accent anglais, de jeux qu'on peut avoir gratuitement, où effectivement il y a des publicités, où le jeu est pas, on a accès qu'au premier chapitre sur 5, mais on peut essayer, on peut voir si ça nous plaît, et puis si ça nous plaît, effectivement, on peut payer dans l'application pour acheter le jeu. Il faut savoir que cette histoire d'achat dans l'application, c'est des volumes assez importants. À l'heure actuelle, en premier lieu, on va commencer par poser que 63% des revenus de l'App Store sont issus du jeu vidéo sur iTunes. Donc c'est grosso modo la moitié, sachant que on a un modèle sur les jeux vidéo qui est des assez petits prix, alors que dans beaucoup d'autres applications, on a des prix qui montent facilement de façon plus importante, 10, 20, 30, même 40 euros pour certaines applications professionnelles, ce qui est tout à fait légitime. Après tout, on paye un logiciel, mais en tout cas, j'ai pas le pourcentage des volumes de téléchargement jeu par rapport aux autres, mais en revenus, voilà, 63% des revenus de l'App Store sont issus du jeu vidéo. Donc ça, c'est des gens qui achètent. Et dans ces gens qui achètent, on a 92% du chiffre d'affaires qui vient des achats dans l'application et 4% du chiffre d'affaires qui vient des applications payantes. Enfin, ça, c'est pour toutes les applications. Donc, en gros, ça rapporte, clairement, ça rapporte plus. Ça rapporte carrément plus de fric parce que du coup, on s'y met et une fois qu'on est dedans, bah, on est piégé, on est ferré et là, on va acheter. Et puis, surtout, on ne peut pas pirater les achats dans l'application. Il fut un temps des méthodes, mais elles ont été verrouillées et maintenant on peut pas. Donc ces achats-là, on doit les faire. Et du coup, je reviens à mon idée à cette histoire de free to try. Ça permet de faire des jeux payants où les gens peuvent essayer gratuitement et où le fabricant sait que les gens qui achètent et avec du coup très peu de piratage puisque ça sert à rien de pirater la version gratuite et on peut pas pirater la version payante. En tout cas, c'est vraiment beaucoup, effectivement, pour schématiser, je vois, parce que on trouve ces problématiques là sur les jeux PC et sur n'importe quelle console connectée en fait. C'est qu'en fait, effectivement, c'est que si on pirate ce jeu qui au tout départ est gratuit, si on le pirate, on ne pourra pas acheter les parties achetables, les parties débloquables, et donc du coup on se prive automatiquement de quelque chose. D'accord, là-dessus je comprends. Voilà. Et effectivement, le lien avec les consoles, pourquoi les consoles deviennent de plus en plus connectées ? Parce qu'il y a une injonction des éditeurs pour protéger leur œuvre. Dès qu'il y a du multijoueur, posez-vous la question, parce que c'est, des fois, les multijoueurs n'est qu'un prétexte pour avoir une connexion sur votre console ou votre ordinateur, pour tout simplement savoir est-ce que vous l'avez piraté. D'ailleurs, il y a ça aussi... Les achats avec pas de DRM, c'est-à-dire pas de blocage électronique. Vous pouvez pas copier votre fichier de jeu comme vous voulez. Il y a tout un processus anti-piratage qui sont en train de mettre en place avec des logiques plus ou moins honnêtes, parce qu'il y a ça aussi. Par exemple, moi, je sais que dans le jeu vidéo PC, par exemple, on retrouve des cas de MMORPG que des gens ont acheté. Ensuite, les éditeurs et développeurs, voyant que ce modèle n'était pas bon, ont passé en free to try ou en achat in-app. Et du coup, on se retrouve face à des gens qui ont payé leur jeu et qui se retrouvent face à un jeu qui est gratuit ou partiellement, etc. Oui, ça, c'est des logiques d'éditeurs un peu limites. Mais le gratuit à l'essai, qui finalement n'est qu'une résurgence des temps anciens où on avait des disques de démo avec juste le premier niveau ou ce genre de choses, et où on pouvait justement essayer la démo d'un jeu, que ce soit pour un temps limité ou pour un espace limité, avant de pouvoir avoir le jeu complet, me paraît pas forcément délirant. Et que la démo soit gratuite, c'est tout à fait cohérent. Et ça ce que tu dis me fait penser d'ailleurs que très récemment, donc Steam, qui est la plateforme d'achat de jeux vidéo extrêmement majoritaire sur les PC, a fait une petite nouvelle règle récemment. C'est que vous pouvez jouer 2 heures à un jeu, si ça ne vous convient pas, vous êtes remboursé. C'est la logique de la démo. Et le problème, c'est qu'on se retrouve des fois avec des jeux qui, alors, le jour de leur sortie, ont des petits problèmes techniques et qui méritent un ou deux patchs de correction. Et donc face à des gens qui, du coup, n'achètent pas le jeu et... enfin, en tout cas, demandent d'être remboursés, quoi. Ouais, mais ça, après, c'est quelque part, c'est un peu le problème des joueurs aussi. C'est-à-dire que... bah ouais, un jeu qui sort, on sait que le jour où il sort, de plus en plus... il peut y avoir des petits ajustements nécessairement, et pour le coup en plus sur le numérique avec téléchargement on peut facilement faire les mises à jour. C'est pas comme s'il y avait un objet et puis qu'une fois qu'il est figé il est figé, quoi. De ce point de vue là c'est beaucoup plus facile de rattraper le coup sur un jeu vidéo que sur un jeu de société. Complètement. Mais enfin moi je dans ces trucs là je trouve ça un juste retour des choses, parce que moi je sais qu'en tant que joueur jeux de société, etc., il n'y a rien de plus qui m'énerve que d'acheter quelque chose qui n'est pas fini. Oui, je comprends. C'est bête, mais n'importe quel... maintenant, vous achetez un PC ou un Mac, n'importe quoi, la première chose que vous devez faire, c'est des mises à jour. Mmh. Votre truc, il n'est pas prêt à travailler. Ouais, ouais, bah ça incitera probablement les éditeurs à faire attention à ce que leur jeu soit nickel au moment de la sortie et qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait rien à réparer. Et puis voilà, moi je crois, je suis peut-être un doux optimiste, mais je crois à l'auto-équilibrage de ce genre d'écosystème. Du coup, effectivement, si les gens n'achètent pas parce que le jeu n'est pas bien fini, bah, l'éditeur, sur son jeu d'après, il fera un peu plus attention et le jeu sera plus fini. Et peut-être les acheteurs, ils iront l'acheter un peu plus tard parce qu'ils auront lu ou entendu des bonnes critiques une fois certaines mises à jour faites. Et puis voilà, et à ce moment-là, ils achèteront une version finie. Et peut-être qu'ils se précipiteront moins sur des bêtas parce que bah, ou alors, je sais pas, se précipiter sur une bêta et se plaindre que c'est pas fini, je trouve quand même que c'est pas un comportement qui reflète une grande intelligence. Mais bon, je j'ai pas vraiment de réponse. Je sais que sur le jeu mobile, en tout cas, j'ai été surpris, effectivement, enfin les chiffres, du coup, j'en avais une petite idée, mais de réaliser que effectivement, en fait, c'était pas un manque à gagner si important que ça, et c'est aussi une façon dont on présente les chiffres, et je pense que beaucoup d'éditeurs ou de représentants industriels du jeu vidéo vont dire attention, les jeux sont pirates à 90%, les pirates c'est mal, alors qu'en fait ça représente une portion assez congrue. Moi j'ai surtout je crois surtout que la leçon à en retenir, c'est de dire aux autres, aux 80% d'autres, 80% de pirates, donc non, aux 90% d'autres, pardon, aux 90% qui ne piratent pas. Ah d'accord. Qu'il faut acheter plus que 3 jeux par an, quoi, c'est tout, hein. À un moment les gars, faut pas déconner. Les jeux sur mobile, c'est pas cher. Alors, pas se priver, hein. Ouais, mais enfin, ouais. Parce qu'ils, certes, ils achètent 3 jeux, mais combien d'achats in-app ils font ? Alors ça, je sais pas. Ah ah, parce que il y a ça aussi. Ces chiffres-là. Parce qu'on peut, parce on peut, on peut passer. Mes recherches, mais jusqu'à un certain point. Ah mais je comprends pas complètement. C'est une question que je lance. Je sais pas. À nos auditeurs. Je sais pas. Et puis je sais pas quel type d'achat in-app. Parce qu'effectivement, entre acheter 40 euros de crédit à un jeu juste pour pouvoir terminer ta ferme plus vite. Ou acheter effectivement des chapitres en plus à une histoire, il y a pas la même logique, quoi. Finalement, on met sur le même plan des choses qui sont radicalement différentes. Et voilà, acheter des crédits, on est dans la logique de l'arcade. Tu remets la pièce. C'est fondamentalement ça. Pour un certain nombre de jeux, c'est en gros, si tu veux faire une partie tout de suite, tu remets la pièce. Sinon, t'attends que ça se soit régénéré tout seul. Mais on ce est dans qui cette insupportable. Bah oui, ce qui est oui, parce que les gens ont appris à ne plus être patients. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, non, je suis pas autrement choqué. Les éditeurs le font parce que ça marche indéniablement. Et puis en plus, on sait avec quel public ça marche, des jeux type Farmville ou autres. On sait aussi que 70% des gens qui ont fini Candy Crush, je savais que j'irais le placer, l'ont fait sans avoir dépensé 1 euro dans le jeu, tout de même, parce qu'ils ont trouvé des contournements, ce genre de choses. Et puis que globalement, l'éditeur a laissé un certain nombre de contournements et continue à les laisser, alors même qu'il est parfaitement au courant. Typiquement, on peut jouer sur le temps d'attente avant d'avoir à nouveau des crédits, juste en jouant avec les paramètres de réglage d'horloge de son téléphone. C'est tout basique. Si l'éditeur l'a jamais corrigé, c'est qu'il sait qu'il fait suffisamment d'argent avec les 30% qui payent pour compenser les 70% qui ne payent pas. Et c'est un peu la même logique qu'on devrait avoir systématiquement avec cette histoire de 80% de téléchargement. C'est de dire à un moment, le pognon, on le fait sur les 20% qui payent. Et faut pas qu'on parte dans des idées de chiffres délirantes. Faut qu'on regarde les chiffres de ceux qui payent, pas le volume global de téléchargement, qui est un peu illusoire. C'est ouais, il y a le même modèle économique dans les MMO, donc les MMORPG notamment, donc les jeux de rôle massivement multijoueurs, les jeux vidéo, et où bah pareil, en fait il faut tout simplement une communauté. Il faut, pour un MMO, il faut du monde, et donc bah il faut du monde tout de suite. Et donc bah voilà, quitte à faire gratuit, après les faire payer, oui. Et voilà, on trouve comment monétiser. Où on fait payer des armures ou des épées ou des trucs comme ça à l'intérieur qui sont hyper cool. Et bah oui, moi j'ai joué à des jeux comme ça. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt malin dans l'absolu. Et effectivement, c'est tentant de passer le cap en plus. Hein. Moi, je comprends bien la logique et je comprends bien pourquoi elle a été mise en œuvre. Bon, elle a. C'est pas franc du collier, quoi. C'est pas effectivement le jeu que tu vas acheter 5€ et puis une fois que tu l'as acheté, ben, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais que ça te coûtera pas plus d'argent. Mais bon, voilà. Alors après, on a souvent discuté des jeux mobiles et du prix des jeux mobiles hors micro. Et oh oui. J'adore ton système d'évaluation. Je vais vous l'avouer, je vais vous voler le secret de... C'est un système breton. C'est un système breton. En fait, Manuel, il faut savoir qu'il calcule son prix du jeu avec un coefficient qui est le coût de la pinte. Si un jour le cours de la pinte augmente, il va être perdu. Ouais, ça parce qu'en fait, en gros, vous... C'est mon indice Big Mac à moi. C'est ça. En gros, voilà, vous payez à peu près 5€ une pinte environ, ouais. 5-6€, et donc vous passez environ 1h30-2h avec vos potes à vous amuser. Ouais, mais une pinte, c'est bu... Enfin, si comptons une heure, quoi. On ouais. met une heure à boire une pinte, grosso modo. Et donc voilà, est-ce que le jeu ou n'importe quel produit me plaira autant de temps ? Et puis surtout, j'essaye jamais de pirater ma pinte, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à la payer. À un moment, je vais dans un bar, je paye une pinte, je trouve normal de la payer. Je trouve normal de la payer ce prix-là. Enfin, je trouve normal. J'adorerais si elle était à 1€, mais j'y crois pas un seul instant. Donc quand effectivement, je vois des gens qui chouinent parce qu'un jeu est à 1€ et que au bout de 2 heures, il était fini, j'ai envie de dire, écoutez. C'est 1€. C'est 1€. Hein. Y a des endroits où ça coûte plus cher de rester 1 heure sur le parking. Après, c'est moins marrant de rester sur le parking. Mais voilà. Bref, c'est un système de calcul que je trouve tout à fait compréhensible. Là, effectivement, on parle de pinte, mais vous parlez de n'importe quel loisir qu'il vous plaît et qui est payant. Ça peut être, je ne sais pas, 1 heure de yoga ou de judo ou de planche à voile, n'importe quoi. Voilà, faites le calcul et vous verrez qu'au final, ce n'est pas si cher que ça. Ouais, non, le jeu mobile, c'est pas cher. Hein, faut vraiment pas hésiter. Il y a des super jeux. Il y a des très très beaux. Un jour, on fera une liste. Moi, j'en ai découvert des dizaines. Et dedans, j'en ai 10 ou 20 qui sont des perles de game design, des trucs vraiment très malins, très beaux, et puis ça innove presque toutes les semaines, et il y a vraiment des choses qu'il faut absolument essayer, et se dire non, je vais pas mettre 2€ là-dedans, par principe, à titre personnel, je trouve que c'est un peu dommage. Ce sera le mot de la fin, mon ouais, cher Manuel. Payez vos cheveux. C'est pas de la remarque de capitaliste. Ouais, ça. Ou peut-être un jour payer votre podcast, je ne sais pas. Ouais. Nous, on vous a offert, en tout cas, sur 16 épisodes, au minimum 30 minutes ou 45 minutes de contenu. On espère que c'était bien. On espère que ça a valu plus que le prix que vous l'avez payé, c'est-à-dire gratuitement. Et voilà, on espère en tout cas que vous avez passé une bonne saison en notre compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours écouter ou réécouter les précédents podcasts. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous envoyer des mails pour qu'on commence l'année prochaine, à nous envoyer des idées de sujets. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Si vous pensez avoir des choses à raconter, n'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à nous dire voilà ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas à jouer, vous avez tout l'été là quand même, alors lâchez-vous un peu sur la plage. Mais à l'ombre, votre et hydratez-vous. Voilà, à l'ombre, parce que sinon on voit pas l'écran et c'est pénible. mais voilà, testez plein de jeux sur la plage, au camping, ailleurs, à droite, à gauche, avec du jeu de rôle. Voilà, faites du jeu de rôle, faites du jeu de société, faites des jeux vidéo. Maintenant on peut jouer facilement faites partout jeux. Et puis voilà. on peut bien s'amuser et jouer avec des gens. Ou pas. Nihiliste.